En allant chercher le pasteur, qui doit marier son maître à Mrs. Aouda, Passepartout s'était rendu compte qu'ils étaient arrivés en fait 24 heures en avance. Fiasco avait, sans s'en douter, gagné un jour sur son itinéraire. Et cela uniquement parce qu'il avait fait le tour du monde en allant vers l'est. En effet, en marchant vers l'est, Phileas Fogg allait au-devant du soleil, et par conséquent, les jours diminuaient pour lui d'autant de fois 4 minutes qu'il franchissait de degrés dans cette direction. C'est pourquoi, ce jour-là même qui était le samedi et non le dimanche, comme le croyait M. Fogg, ceux-ci l'attendaient dans le salon du Reform Club. Phileas Fogg avait donc gagné les 20 000 livres, mais comme il avait dépensé en route environ 19 000, le résultat pécuniaire était médiocre. Ce soir-là même, M. Fogg, aussi impassible, aussi flegmatique, disait à Mrs. Aouda « Ce mariage, vous convient-il toujours, madame ?»« M. Fogg, répondit Mrs. Aouda, c'est à moi de vous faire cette question. Vous étiez ruinée, vous voici riche. »« Pardonnez-moi, madame, cette fortune vous appartient. Si vous n'avez pas eu la pensée de ce mariage, mon domestique ne serait pas allé chez le révérend Samuel Wilson. » « Je n'aurais pas été averti de mon erreur et... »« Cher Monsieur Fogg, » dit la jeune femme. « Cher Aouda, » répondit Phileas Fogg. « On comprend bien que le mariage se fit 48 heures plus tard. Et Passepartout, superbe, resplendissant, éblouissant, y figura comme témoin de la jeune femme. Ne l'avait-il pas sauvé et ne lui devait-on pas cet honneur ?» Ainsi donc, Phileas Fogg avait gagné son pari. Il avait accompli en 80 jours ce voyage autour du monde. Qu'avait-il gagné à ce déplacement? Qu'avait-il rapporté de ce voyage? Rien, dira-t-on. Rien, soit, si ce n'est une charmante femme qui, quelque invraisemblable que cela puisse paraître, le rendit le plus heureux des hommes. En vérité, ne ferait-on pas, pour moins que cela, le tour du monde?